Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. Turn green. Give me what I asked for. I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest, Serena Venus. Flow of genius, smoking Phoenix. You never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm trying to ride out, slide out. Rally strikes, send me 500, bye-bye. You waiting for? You only got one life, and we gon' live it up. So give me the green light. Sur les nouveautés, c'est Skyrock, Pitbull avec Florida sur Skyrock, c'est Greenlight, gros son, grosse nouveauté, il est tout pile à 6h, on est lundi matin, c'est férié, le 15 août, c'est Vincent, super content de vous retrouver, on va passer une nouvelle matinée tous ensemble, le morning rap R&B, 3h de son tous les matins sur Skyrock, entre 6h et 9h, on a Ken Jones en prépa, Ken Jones, le son rap God and Soul des vacances avec Don't Mine. Avec Binta aussi, la nouvelle d'Alonso des Psychiatres de la Rime. Juste après un premier point sur l'actu et le sport, il est là, il est frais au taquet. C'est Jules que vous retrouvez en ce lundi matin. Salut Vincent. Le temps pour ce matin, Jules, ça dit quoi, des bonnes nouvelles? Eh ben ce matin, ouais, des bonnes nouvelles. C'est nickel, c'est simple, du soleil sur toute la France avec quelques nuages bas sur le Nord-Pas-de-Calais. Cet après-midi, pas de changement avec des températures qui font plaisir ce matin. Elles vont de 19 à 27 degrés, 19 à Lille, 22 à Orléans, 24 à Strasbourg et Nantes et 26 à Nice. Cet après-midi, elles vont de 19 à 34 degrés, 19 à Caen, 23 à Lens, 27 à Marseille, 29 à Paris et Lyon et 34 à Bordeaux. Au niveau de la pollution aujourd'hui, c'est très très moyen. Par contre, des indices entre 4 et 6, 4 à Rennes, 5 à Paris et 6 à Avignon. On prépare également la nouvelle des 21 Pilots. C'est un classique de Rihanna. Et là, tout de suite, c'est parti pour l'actu. Il est légendaire. Usain Bolt frappe encore à 29 ans. Il remporte pour la troisième fois d'affilée la finale du 100 mètres sur piste. Il est venu à Rio à la conquête d'un nouveau triplé. Prochaine étape pour lui donc, le relais 4 fois 100 mètres et le 200 mètres. Il n'y a pas que Bolt qui a brillé hier. Les Bleus aussi avec 4 médailles. Alexis Reynaud a ouvert le compteur avec le bronze au tir à la carabine. Le véliplanchiste Pierre Lecoq ramène lui aussi la médaille de bronze. Même discipline. Une demi-heure après, Charline Pinon décroche l'or. La dernière médaille de la journée est aussi en or. Les épéistes français ont battu l'Italie. Situation tendue en Haute-Corse. 500 personnes se sont rassemblées hier à Bastia. Samedi, une bagarre entre communauté corse et maghrébine à Cisco a fait 4 blessés. Une altercation qui a entraîné des jets de pierre et bouteilles, 3 voitures brûlées. La gendarmerie a ensuite réussi à maîtriser la situation. Le président du département de Haute-Corse, François Orlandi, a lancé un appel au calme. La sécurité au cœur du pèlerinage aujourd'hui à Lourdes. 508 agents sont déployés, policiers, gendarmes, militaires et agents de sécurité privés. Principale raison, évidemment, selon Bernard Cazeneuve, la menace terroriste qui

Concert, sa triple date avec Skyrock au Stade de France à Paris-Saint-Denis, le Stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq et au Grand Stade de Lyon où elle a tout retourné au mois de juillet avec Skyrock. Rihanna, on continue de l'écouter toute la journée. C'était Only Girl en classique lundi le 15 août, 6h20, du beau temps, du soleil, les températures qui continuent de monter dans toute la France. Et le gros son de Skyrock, on est numéro 1 premier sur les nouveautés avec la toute nouvelle de DJ Snake. En provenance de Franconville, région parisienne, DJ Snake avec Let Me Love You. Il y aura ça aussi, la nouvelle de Black M. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent. Je suis chez moi, le nouveau Black M dans le Morning Rap R&B, c'est juste avant 6h30 sur Skyrock. Plus écouté que Hot 97 à New York. Plus écouté que Power 106 à Los Angeles. La radio rap R&B la plus écoutée au monde, c'est Skyrock. Skyrock, première radio urbaine mondiale. Le Morning Rap R&B. 6h-9h sur Skyrock. Ramsey. Sky. sur 9h sur Skyrock. Good morning. Rap, R&B. Le morning rap et R&B. Yeah. Jamais Skyrock t'a offert autant de musique dès le matin. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Préfère ne rien voir comme Amadou et Maria. t'invite à manger un bon muffin chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée, chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français, chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser, chez moi, je vais l'ambiancer, je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc, je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne. Fier d'être le fils de Monsieur Diallo. Éternellement insatisfait. À suivre. La nouvelle de Black M sur Skyrock, je suis chez moi, éternel insatisfait, nouvel album de Black M qu'on aura très bientôt l'occasion de vous présenter sur Skyrock. Ça sera l'un des gros planètes rap de la rentrée chez Fred entre 20h et 21h. Là, il est 6h30 lundi matin, le 15 août. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant même, le morning rap R&B qui se poursuit avec Drake. Drake pour One Dance. La nouvelle de Soprano aussi, en feu. Ça juste après un point sur l'actu et le sport. On y va tout de suite avec 3 Jules, on y va, on règle les boutons et on y va, c'est parti, on débute avec le temps. Ouais, et bah ce matin ça fait plaisir, grand soleil sur tout le pays, encore quelques petits nuages bas sur le nord Pas-de-Calais, et puis cet après-midi pas de changement, du soleil avec des températures très très chaudes. Ce matin elles vont de 19 à 27 degrés, 19 à Lille, 22 à Amiens, 24 à Mulhouse et Nantes et 26 à Cannes. Cet après-midi elles vont de 19 à 34 degrés, 19 à Lorient, 23 à Roubaix, 27 à Marseille, 29 à Paris et Lyon et 34 à Bordeaux. Au niveau de la pollution, aujourd'hui, c'est très très moyen. Par contre, des indices entre 4 et 6, 4 à Guingamp, 5 à Bayonne et 6 à Nice. Il y aura aussi l'horoscope de l'amour à pas louper dans moins de 20 minutes. Et là, on y va, c'est parti pour l'actu. Il sourit avant la ligne d'arrivée. Il y en a qu'un qui peut se le permettre. C'est Usain Bolt. À 29 ans, il remporte pour la troisième fois d'affilée la finale du 100 mètres. Il est venu à Rio à la conquête d'un nouveau triplé. Prochaine étape pour lui donc, le relais 4 fois 100 mètres et le 200 mètres. Il n'y a pas que le Jamaïcain qui a brillé hier. Les Bleus, eux aussi, ont fait le taf avec 4 médailles. Le compteur ouvert avec le bronze au tir à la carabine. Ensuite, la voile. Pierre Lecoq ramène lui aussi la médaille de bronze. Même discipline. Une demi-heure après, c'est Charline Pinon qui décroche l'or. La dernière médaille de la journée, c'est aussi un titre olympique. En escrime, les Français ont battu l'Italie. La France est sixième au classement des médailles. Le programme aujourd'hui côté français, Renaud Lavillény a l'occasion de réaliser un doublé olympique en saut à la perche. Grande chance de médaille d'or. On suivra aussi attentivement la championne du monde du 10 km au libre, Aurélie Muller. Et dans les sports co, faudra suivre les volleyeurs qui jouent leur place en quart de finale contre le Brésil. Détention en Haute-Corse. 500 personnes se sont rassemblées hier à Bastia. Samedi, une bagarre entre communauté corse et maghrébine à Cisco a fait 4 blessés. Les raisons sont encore floues. L'altercation a entraîné des jets de pierres et bouteilles. 3 voitures ont été brûlées. Les autorités ont appelé au calme. Une fausse alerte à New York. Une partie de l'aéroport John Fitzgerald Kennedy a été évacuée. Des médias américains et des internautes parlaient de coups de feu entendus dans le terminal 8. Résultat, pas de confirmation qu'un tireur était présent. Aucune douille ou indice de tir n'ont été retrouvés. On termine avec du sport et du foot. Marseille démarre en douceur. 0-0 entre l'OM et Toulouse. Très peu d'occasions dans ce match. Ça fait 12 ans que Marseille n'a pas remporté le premier match lors de la première journée de Ligue 1. Les autres résultats d'hier, Lyon s'est imposé 3-0 à Nancy et Rennes perd sur la pelouse de Nice 1-0. Merci à toi Julie, on va te retrouver tout à l'heure dans la matinée pour l'actu et pour le sport. Tout à l'heure. Il est 6h33, le morning rap R&B qui se poursuit avec Drake, on vous l'a promis Drake. C'est parti avec One Dance et la nouvelle de Soprano derrière juste après. Baby, I like your style. Grip

Jules, on y va tout de suite. Le temps, tu arrives avec de bonnes nouvelles aujourd'hui. Exactement, ce matin c'est nickel, c'est simple. Du soleil sur toute la France avec quelques nuages bas sur le Nord-Pas-de-Calais. Cet après-midi, pas de changement avec des températures qui font plaisir. Ce matin, elles vont de 19 à 27 degrés, 19 à Lille, 22 à Orléans, 24 à Strasbourg et Nantes et 26 à Nice. Cet après-midi, elles vont de 19 à 34 degrés, 19 à Caen, 23 à Lens, 27 à Marseille, 29 à Paris et Lyon et 34 à Bordeaux. Au niveau de la pollution aujourd'hui, par contre, c'est très moyen. Des indices entre 4 et 6, 4 à Rennes, 5 à Paris et 6 à Nîmes. On vous prépare du Alicia Keys, du Soprano et là tout de suite c'est parti, on parle des JO dans l'actu. Le Monde attend la finale du 100 mètres juste pour lui. Usain Bolt frappe encore. À 29 ans, il remporte pour la troisième fois d'affilée la finale du 100 mètres juste devant l'américain Justin Gatlin. Il est venu à Rio à la conquête d'un nouveau triplé. Prochaine étape pour lui donc, le relais 4 fois 100 mètres et le 200 mètres. Il n'y a pas que Bolt qui a brillé hier. Les Bleus nous ramènent 4 médailles. Le bronze au tir à la carabine et en voile. À la voile toujours, une demi-heure après, Charline Pinon décroche l'or. La dernière médaille de la journée est aussi en or. En escrime, les Français ont battu l'Italie. Appel au calme en notre corps. Samedi, une bagarre entre communautés corse et maghrébines a fait 4 blessés à Cisco. Une altercation qui a entraîné des jets de pierres et bouteilles. 3 voitures ont été brûlées. 500 personnes se sont réunies à Bastia. Ils se dirigeaient vers un quartier populaire issu de l'immigration. Les insultes fusent. Forte tension en Corse donc. Les forces de l'ordre tentent d'éviter les débordements. 508 agents déployés à Lourdes. Policiers, gendarmes, militaires et agents de sécurité privés. La sécurité est au cœur du pèlerinage aujourd'hui. Principale raison, évidemment, la menace terroriste qui reste extrêmement élevée. Environ 25 000 personnes sont attendues. Mes meetings ne sont pas couverts correctement par les médias. Voilà ce qu'a déclaré Donald Trump, le candidat à la Maison Blanche. Il les accuse de ne pas être objectifs. Quelques heures avant, il a dénoncé des médias écœurants et corrompus. Ça fait des mois qu'il se plaint des grands médias américains. Il a même supprimé les accréditations auprès de sa campagne d'une longue liste comme le New York Times et le Washington Post. Le coût de la vie étudiante continue de monter. Une des explications, selon le premier syndicat des étudiants de France, l'augmentation des prix des loyers et des transports. 806 € de moyenne par mois cette année à Paris. La moitié des jeunes sont obligés de cumuler job et études. C'est aussi 12% des étudiants qui financent leurs études avec un prêt. On termine avec un mot de foot. 3 matchs hier pour clôturer la première journée de Ligue 1. Lyon s'impose 3-0 à Nancy. Nice bat Rennes 1-0 et l'OM et Toulouse se séparent sur un score nul et vierge 0-0. Ce soir, fin aussi de la 3e journée de Ligue 2 avec Nîmes-Lens à 20h30. Et on suivra tout ça car bien évidemment nous sommes premiers sur le foot, Jules. Le retour tout à l'heure dans la matinée. À tout à l'heure. Pour un nouveau point sur l'actu, sur le sport. Et là, on est reparti direct pour une toute nouvelle heure de son. À 7h02, c'est Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake. Vita et Jules aussi avec C'est les Déranges. T'écoutes la première radio urbaine mondiale. Skyrock. Non-stop. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop.

entendu. Une fausse alerte à New York, une partie de l'aéroport John Fitzgerald Kennedy a été évacuée aujourd'hui. Des médias américains et des internautes parlaient de coups de feu entendus dans l'un des terminaux. Résultat, pas de confirmation qu'un tireur était présent. Aucune douille ou indice de tir n'ont été retrouvés. Un loyer de 806 euros de moyenne par mois cette année à Paris pour les étudiants. Le coût de la vie étudiante continue de monter. Une des explications, selon le premier syndicat des étudiants de France, l'augmentation des prix des loyers et des transports. La moitié des jeunes sont obligés de cumuler job et études. On termine avec un mot de foot. Les premiers sifflets de la saison au Vélodrome hier, 0-0 entre Marseille et Toulouse. Pas grand chose à retenir de ce match assez décevant. Les autres résultats d'hier, Lyon s'impose 3-0 à Nancy grâce à un triplé de Lacazette et Nice l'emporte 1-0 contre Rennes. Et toi, on va te retrouver un petit peu plus tard, Jules, pour l'actu pour le sport. À tout à l'heure. La nouvelle de DJ Snake, c'est parti. Une toute nouvelle heure de son qui débute dans le Morning Rap R&B. C'est Let Me Love You, le son de DJ Snake. Et Jules derrière avec mon bijou. T'écoutes la première radio urbaine mondiale. Skyrock. Non-stop. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle.

Sur Skyrock, Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, le 9-12 de l'été qui se prépare avec Maxime. Il y aura Too Good de Drake et Rihanna, Ma Beauté également de Maître Gims. Tout ça, c'est juste après la roulette. Skyrock et Sam t'offrent le spectacle du Whoop en exclu. Allo Alex. Ouais, salut Vincent. Salut Alex, 20 ans, Benette dans le 60, l'Oise. Ouais, c'est bien ça, ouais. Tout va bien Alex? Ouais, nickel. Nickel, nickel. Et bah écoute, on y va pour cette première roulette de la matinée. On rappelle qu'il y a le spectacle du Whoop à gagner dans la roulette toute la semaine sur Skyrock, le Whoop, hein, avec Mister V qu'on a vu notamment dans Camping 3 qui explose les millions de vues sur le net. Spectacle exclusif réservé aux auditeurs de Skyrock. Ça tourne, quand tu veux, tu fais stop. Bel effort sur le stop, hein, comme ça, hein, 15 août au taquet. Allez Alex, pour toi, la roulette. Et c'est gagné, le Whoop, tu les verras, voilà. Avec cette personne. C'est cool, merci. C'est avec la personne de ton choix, dans un endroit tenu secret, réservé aux auditeurs de Skyrock, ça sera le 16 septembre. Voilà, on connaît la date, c'est un vendredi soir. Voilà Alex. C'est super sympa, merci. Merci à toi, bonne journée, bon 15 août. Ouais, merci, bonne journée, au revoir. À bientôt, ciao Alex, ciao ciao. Et d'autres roulettes à stopper la prochaine dans la matinée avec Maxime pour participer. Allez-y maintenant, c'est roulette au 7-20-20. Écoutez que Hot 97 à New York. 7 minutes commercial free. Plus écouté que Power 106 à Los Angeles. Power 106. La radio rap et R&B la plus écoutée au monde, c'est Skyrock. Skyrock, première radio urbaine mondiale. Géant, ce sont les jours imbattables chez Géant. Appelez vite vos amis, les grilles à des barbecues sont à prix bas chez Géant. Recevez 30% bon d'achat sur les merguez, chipolata, saucisses à griller, brochettes et plateaux à griller. Une offre ensoleillée à retrouver jusqu'au lundi 15 août dans votre Géant. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable du 15 au 21 août. Pour votre santé, bougez plus. Vous êtes sur la route des vacances. C'est long, la route des vacances. À l'arrière, les enfants dorment. Du coup, c'est le moment d'en profiter. Les enfants, ça vous dirait qu'on passe chez McDo? Pas de réponse, je prends ça pour un oui. Vous savez qu'à chaque fois qu'on prend un menu et un Happy Meal, McDo nous offre un DVD et sa copie digitale. Ça vous va si c'est moi qui choisis le film? Pas de réponse, je prends ça pour un oui. Offre valable pour l'achat simultané d'un menu best-of ou maxi-best-of ou menu salade ou McFirst et d'un menu Happy Meal. Choix du titre DVD parmi 5 titres selon disponibilité en restaurant. Voir conditions sur mcdonalds.fr. Durée limitée. Qui habille colore la vie. Alors que de nombreux magasins seront fermés... Lundi 15 août, votre magasin Kiabi est ouvert. Trop génial, non? Ça fait un jour de plus pour... Wow. Découvrir et essayer toute la mode rentrée et avoir une tribu top fashion à petit prix. Liste des magasins ouverts lundi 15 août sur Kiabi.com. Kiabi, la mode à petit prix. Le bon plan de l'été est chez But. Aujourd'hui 15 août, But vous offre moins 15% supplémentaire sur votre produit préféré en gros électroménagers, meubles et déco. Oui, moins 15%. Ah oui, quand même. But, c'est nous. Ouverture selon arrêté préfectoral, voire conditions magasin et sur but.fr. Radio Disneyland Paris. Ouh. Chers parents, vous voulez nous faire une bonne surprise en nous emmenant à Disneyland Paris, mais vous hésitez. Parc Disneyland ou Parc Walt Disney Studio? Chanter avec la Reine des Neiges ou le nouveau spectacle Mickey et le Magicien? Eh bien, taratata! En ce moment, les deux parcs sont au prix d'un seul. Plus la peine d'hésiter. Plus la peine de choisir. Roule Raoul. Cet été, Disneyland voit double. En ce moment et pour une visite jusqu'au 28 septembre, profitez des deux parcs pour le prix d'un seul. Alors n'attendez plus. Conditions et réservations dans certaines billetteries sur disneylandparis.com. Le Morning Rap R&B. R&B. 6h-9h sur Skyrock. On voyage. J'm'en bats les couilles, j'suis fire. J'vois que sur une plaquette taille.

tampon. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. On est foncé dans la ville à 2-3 heures. Compte même plus les bitches qu'on a ketchup. Même si tu nous donnes le choix, on quittera pas le bendo. Missy money weed et un tas de blimpon. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. On est foncé dans la Skyrock. Go. Neither one of us knew why. We didn't build nothing overnight, cause a love like this takes some time. People swore it off as a phase, said we can't see that. Now from top to bottom, they see that we did that. Yes, it's so true that yes, we've been through it. Yes, but we got rich. Yes, see baby, we've been too strong for too long. This ain't for you. No, this ain't for you. And if you got it deep in your heart, and deep down you know that it's true. Come on. Well, let me see you put your hands up. Non-stop. I worry about nothing. I am wearing a nada.